voulait m'embrasser. Ouais. Beaucoup d'anges que j'ai caressé. Ouais. Des péchés que je paie assez. Ouais. Je mets 20 balles sur la BAC. Oui, je suis dans double chargeur. Réplique ta mère, garde la presse. Mon poteau te fait le gros. Je dors plus à cette adresse. Je fais mal les trois en deux mois. Ouais. L'Algérie est faire de moi. Tu me fais passer pour un mauvais. Tu mériteras Val en forme de croix. En taule, je pense au fils de pute qui ont mis du sang sur mon prénom. Pour eux, j'ai la solution. 357 canons très longs. RS4 sur la côte, tout va bien. Avec tout ce que tu n'as pas, Nino, Soko, reviens pas. J'aime trop les gros dans le métro. Je me rappelle, j'avais pas d'étoiles. J'ai pas des sentiments quand je passe la douane. Fils de putain de ta mère, on n'est pas à poil. Est-ce que tu connais les risques? Veux-tu devenir l'ennemi? Est-ce que tu connais les risques? Certains ne s'en sont jamais remis. Que faire avec RMI? Olé, rafale, un ennemi. Je l'ai mené ici dans mon lit. Olé, rafale, un ennemi. Pour mes ennemis. Pour mes putains d'ennemis. Sers-moi un verre à boire, je ne parle plus avec eux. J'suis dans le 5 étoiles avec une Rouskov aux yeux bleus. Et le 11.43 laissera des séquelles. 5-6 kills et ça fait les gros 90% de ML. Hein? Passeuse, coca, rançon, otage. Tu rebel, clochard, tu vas finir dans le sarcophage. C'est NI et la crime, t'as dû me sperre plein les babines. Elle est pure, on la coupe, on fracture et des narines. Hola, ketal, esta muy guapa. Arai, bécane, tu danses la lambada. Roro, diamant, c'est ta chaud, va-t'en. Des outils, de l'argent, des poteaux, on les attend. Est-ce que tu connais les risques? Veux-tu devenir l'ennemi? Est-ce que tu connais les risques? Certains ne s'en sont jamais remis. Que faire avec RMI? Olé, rafale, un ennemi. Je l'ai mené ici dans mon lit. Olé, rafale, un ennemi. Pour mes ennemis. Pour mes putains d'ennemis. Thank you.